vouloir assassiner. Tu pourras pour faire semblant d'être plus fini et baladant. Un réduit du distant, le sexe sur le commandant. Un jour pour vérifier.